Shalom, shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Tsala, je suis Maman Dédé et je viens dans le cadre d'une nouvelle édition de l'école d'Esther. J'espère que tout le monde va bien. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est une émission spéciale où nous allons partager des thèmes particuliers, particulièrement un thème spécial. C'est un sujet vraiment que je veux partager parce que sur la toile, c'est déjà n'importe quoi. On m'a envoyé une vidéo, je n'ai même pas pu la voir jusqu'à la fin. Horrible. Je n'ose pas partager cette vidéo parce que sinon Facebook va me bloquer encore mes comptes et franchement, ça ne sert à rien. Mais ceux qui la voudront inbox, je pourrais vous l'envoyer pour vous dire que les choses que nous parlons ici, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de l'amusement. Une vidéo comment les femmes mangent des excréments. Pourquoi? Parce qu'elles veulent l'argent. Je m'arrête ici. Et il y a aussi un phénomène, les gens boivent les urines, on se lave avec tout ça. Je parlerai de ça ce soir. Donc j'espère que vous allez bien, que le Seigneur nous bénisse. Je viens consacrer cette émission au Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit m'utilise les appareils, tout ce qui vont se connecter, tout ce qui vont suivre cette vidéo, en direct ou en différé. Qu'il soit béni. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo, invitons. Partageons dans les groupes, dans nos messageries. Invitons. Quelqu'un sera béni ce soir. Quand on parle de Dieu, nous sommes au temps de la fin. On vient de m'envoyer un audio très dangereux. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Partageons la vidéo. C'est pour cela qu'on a besoin de nous. Partageons la vidéo. Nous allons également prier aussi ce soir. C'est pour cela qu'on a besoin de nous. Car tu es Dieu éternellement. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Partageons la vidéo. Invitons. Quelqu'un sera béni ce soir. Nous invitons, nous partageons. Invitons. Partageons la vidéo, nous invitons. Et nous adorons en même temps le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est élevé. Adore le Seigneur avec moi aujourd'hui. Il est élevé, le Dieu Tout-Puissant. Le Roi de gloire est élevé. Le Seigneur des Seigneurs est élevé. Le Dieu Tout-Puissant est élevé. Invitons et partageons. Adore le Seigneur là où tu es. Dis Seigneur, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Quel que soit ce qui se passe dans le monde entier maintenant, tu demeures le Dieu élevé. Tu demeures Jéhovah Jireh. Tu demeures le Dieu qui nous garde. Tu es demeures le Dieu qui est assis sur le trône. Nul n'est comme toi, Seigneur. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur chez toi là-bas? L'homme de la mort. C'est pour cela mon âme te loue. Car tu es Dieu éternellement. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Seigneur, je t'adore. Tu es Dieu éternellement. Adore le Seigneur là où tu es. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comme lui. Il n'y a pas un autre Dieu qui est son pareil. Il n'y a pas un autre Dieu qui est son semblable. Il s'appelle le grand Je suis. Seigneur, reçois l'adoration. Seigneur, reçois la louange. Seigneur, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. L'Éternel, c'est ton nom. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur là où tu es? Dieu, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout ce qui se passe dans le monde, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout problème. Il est élevé au-dessus de toute chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'adorer le Seigneur? Adore le Roi de gloire. Adore le Dieu Tout-Puissant. Adore le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle le Grand Je Suis. Il s'appelle le Dieu élevé. Adore le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Adorez le Seigneur. Il y a des gens qui se moquent de nous parce qu'on dit alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Je me demande comment vous allez faire avec le monde qui est en train de basculer comme ça. Je me demande comment beaucoup de gens continuent à partager cette émission. Comment les gens feront sanctifier le nom de Jésus? Comment les gens vont faire pour s'en sortir? Le monde est en train de basculer. Nous sommes au temps de la fin. Même si je parle avec une personne, ce n'est même pas grave. Nous sommes au temps de la fin. Quand nous prenons la Bible, nous sommes au niveau de l'Apocalypse. Nous ne sommes plus à Genèse. Nous ne sommes plus à Exode. Nous ne sommes même plus à Matthieu. Jésus, il est venu, il est parti, il est ressuscité. Ce n'est même pas Actes des Apôtres. Nous sommes à Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et c'est en train... Ce qui est écrit est en train de se passer. Pourquoi vous êtes aveugles? Nous dormons, pourquoi? On vient de m'envoyer un audio. Si je parle de ça, Facebook va me bloquer. Parce qu'ils sont complices. Mais si vous voulez ça, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous partager cet audio pour que vous écoutez ce qui se passe dans ce monde. Vous pensez que Jésus, c'est la blague? Les gens se moquent de vous quand vous parlez de Jésus. Vous parlez, les gens, ils sont en train d'adorer le diable. Ils ne se cachent plus. Ils ne font plus en cachette. C'est déjà ouvertement comme ça. Mais enfants de Dieu, nous sommes en train de dormir. Vous allez faire comment? C'est le moment de se réveiller pour choisir Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment. Écrivez-moi inbox après mon émission et je vais vous envoyer cette vidéo. Cet audio, écrivez-moi inbox. Parce que vous ne croyez pas quand on vous parle que ce n'est plus le moment de vivre dans le mal. Ce n'est plus le moment de faire le mal, de vivre dans le péché, de chercher les choses inutiles. C'est le moment de recevoir Jésus. C'est le moment d'arranger sa vie. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de quitter le péché. C'est ça l'heure, l'heure où nous sommes si. Quand nous étions petits, j'étais à l'église adventiste. On nous apprenait l'affaire de la marque de la Batsi, 666, personne ne pourra acheter, nous vendre. On ne savait pas que ça allait arriver à notre temps. Et ça nous faisait peur. Mais là, nous sommes arrivés au temps de la fin. Préparez-vous, personne ne pourra plus acheter, personne ne pourra plus vendre. Et ça sera de façon subtile. Si seulement l'affaire des Basques, là, on nous impose ça, faisons attention. Arrangeons nos vies, enfants de Dieu. Commençons à laisser les choses là qui nous dérangent là. Tu vas partir en enfer chercher qui là-bas? Toi qui vas rater l'enlèvement, c'est fini pour toi. Préparons-nous maintenant vivants. Soyons prêts à laisser notre confort pour sauver nos âmes. Je lisais la Bible aujourd'hui. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, renonce à lui-même, porte sa croix et me suit. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, regardez un peu les titres que j'ai mis sur ma vidéo aussi. Ce n'est plus le moment de sacrifier son âme au diable, d'aller chez les féticheurs. Quand j'apprends qu'il y a encore des gens qui vont chez les féticheurs, je vous assure, je suis malade. Ce n'est plus le temps d'aller chez les féticheurs. Il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a quelques jours. La personne me dit, elle me raconte ses rêves. Comme on a même dit aux gens que j'interprète les rêves, là, franchement. Et vous ne voulez pas Jésus, mais vous voulez qu'on interprète vos rêves. Et la femme me dit, la personne me dit, c'était une femme, c'était un homme, qu'actuellement, elle est en train de suivre un bain de purification, un long rêve qu'elle m'a envoyé. Elle est en train de suivre un bain de purification. Partage en même temps cette vidéo. Un bain de purification chez un prêtre exorciste. Je lui ai dit que ma chérie, avant que j'interprète ton rêve, si ça vaut même le coup, si ça vaut la peine, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Parce que franchement, les féticheurs ne font rien. Les prêtres, elle m'a rabou. Je ne sais même pas comment le français l'ont dit. Elle m'a dit que, hey, pardon, ce sont les dieux qui a donné. Tout ça sont les serviteurs de Dieu. Les prêtres, exorcistes, les marabouts sont les serviteurs de Dieu. Je n'étais pas écrit pour me dire ça. Je t'ai écrit pour m'expliquer mon rêve. Parce qu'elle me paye pour lui expliquer les rêves. Et elle vient me donner les ordres aussi. Dans mon WhatsApp, Jésus-Christ est en train de venir. La terre, si là où nous sommes là, ça va finir. Regardez seulement ce qui se passe. Comment le monde... Nous sommes en confinement en France. Comment le monde est en train de se basculer. Les gens qui travaillent dans les laboratoires disent ce qu'ils voient là-bas. Si vous voulez l'audio là, écrivez-moi une box. Je vais vous envoyer ça. Pour que vous compreniez que ce n'est plus le moment. Choisissez votre camp. Choisissez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui sont enfants de Dieu, je vous parle. Vous allez souffrir doublement. Parce que vous connaissez la vérité. Laissez les choses du monde, ça vous donne quoi? Qu'est-ce que le diable vous donne de bon? J'étais en train de lire la Bible tout à l'heure. Et je lisais le livre de Nombres. Je vois comment les enfants d'Israël, Dieu les a maudits, tournés dans le désert. Dieu leur demande, pourquoi vous me méprisez? Pourquoi avec tout ce que je vous ai dit? Vous pensez toujours à l'Égypte. Quand on était en Égypte, on mangeait le poisson. Quand on était en Égypte, on mangeait les concombres. Quand on était en Égypte, vous êtes toujours en train de regretter le monde. Vous êtes déjà sorti du monde, vous avez reçu Jésus. Laissez les choses du monde. Dépouillons-nous pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes encore debout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas ce message. Vous allez entrer dans quel ciel? Si vous avez le projet d'aller au ciel. Moi, je vous parle du ciel parce que je suis en train de me préparer pour y aller. La terre, si ça va chauffer, et ça a déjà commencé. Tout ce qui est écrit dans Apocalypse, tout ce qui est écrit dans le livre de Daniel, commencez à lire La Bible, lisez la Bible. C'est écrit dedans. C'est écrit dans la Bible. Daniel et Apocalypse. Commencez à lire ça. Et commencez à prier pour avoir l'interprétation. Il dit, quand vous allez voir la désolation s'installer dans le lieu du culte, que ceux qui étaient assis se mettent debout. Parce que l'heure est en train de sonner. Les trompettes sont dans la bouche. Beaucoup d'églises sont pleines comme ça. Mais les gens ne sont pas convertis. C'est le moment de vous convertir. Repentez-vous et convertissez-vous. Vous allez faire comment? Je regarde l'église. Les gens arrivent à l'église comme s'ils partaient dans les bars. Les femmes, alors, c'est grave. Vous avez dit qu'on parle comme ça pour protéger nos maris, mon frère. Au ciel, il n'y a pas le mariage. C'est une affaire de l'âme de quelqu'un. Pourquoi vous vous amusez? Vous allez souffrir sur la terre. Vous allez encore aller souffrir dans le feu. Vous allez souffrir sur la terre. Vous allez encore souffrir dans le feu. Parce que vous allez encore souffrir. Vous allez souffrir sur la terre. On va vous torturer sur la terre. Vous allez vivre la misère, la pauvreté. Et vous allez encore les brûler. Mon ami, choisissez votre camp maintenant. On m'a envoyé une vidéo. La personne qui m'a envoyé une vidéo, c'est une sœur. Elle me dit, ma sœur, nous, on nous insulte ici, que nous sommes en Europe, on ne fout rien en Afrique. Ils nous insultent. Alors que les gens qui viennent en Europe ici, un an, deux ans, construisent des immeubles en Afrique, là, et ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Partage la vidéo aussi. Ce sont les gens qui viennent manger les excréments. Est-ce que je peux t'envoyer la vidéo là? C'est une vidéo choquante. Je ne peux pas la partager. Facebook va me bloquer. Elle me dit, ma soeur, je peux t'envoyer ça. J'ai dit, envoie-moi ma sister. J'ai commencé à écouter la vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo là. Mais je ne peux pas vous montrer ça. Moi, je ne l'ai pas vu jusqu'à la fin parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Ce qui se passe dehors. J'ai un de mes fils qui m'appelle l'autre jour. Il est dans un pays arabe. Il me dit, maman Dédé, je suis ici. C'est une de ses amies qui l'a inscrit au programme de l'école d'Esther que nous faisons ici. Il me dit, maman Dédé, je suis dans un pays là. Je ne sais pas où, je ne peux pas rentrer au pays, je ne peux pas avancer. Je veux venir en Europe pour venir chercher la vie de ma famille, m'occuper de ma famille. Maman Dédé, depuis, j'ai une occasion de prendre la mer. Dis-moi, comment je fais? J'ai appelé le gars au téléphone. J'ai dit, mon fils, si Dieu t'a permis de m'appeler pour me dire ton projet, ça veut dire que tu crois que Dieu parle par moi. Ne prends pas la mer. Jésus-Christ de Nazareth, toi, tu vas aller perdre ton âme, soi-disant que tu vas t'occuper de ta famille. Ta famille doit recevoir Jésus. C'est Jésus qui doit s'occuper d'eux. Tu vas aller mourir. L'Europe, en Europe, il y a la crise en Europe. Les entreprises sont en train de fermer. Les entreprises déposent les bilans. Toi, tu vas mourir. Tu dis que tu viens chercher la vie en Europe. Et tu ne passes pas la main. Ne prends pas ça. Il me dit, maman, c'est une opportunité. Je dis que ce n'est pas une opportunité. Le diable veut déjà te tuer. Ne pars pas. Reste là où tu es. Jésus de Nazareth, que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, que je t'ai fait recevoir, il va prendre soin de ta vie. Partagez cette vidéo-là. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Les gens qui viennent en Europe ici, là, qui ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas la vérité. Vous voyez, les filles viennent là vous blaguer sur les réseaux sociaux pour donner l'envie. Bonjour, bonsoir. Tout dépend du moment où vous verrez. Pour vous donner envie, vous commencez à les envier. Et avec tous les filtres là, hein? Moi, je sens, je m'en fous, je viens prêcher mon évangile. C'est ce que je dis qui est important. Elles viennent laver les filtres, maquiller, tout ça. Vous commencez à vous faire avec les habits, les grands sacs. Elles ne vous disent pas ce qu'elles font pour avoir l'argent qu'elles ont. Elles se vantent avec partout là. Hein? Elles viennent manger les excréments ici en Europe. Je vous dis que la vidéo là, je ne peux même pas. Je ne peux même pas vous montrer ça parce que moi, je n'ai pas vu ce qu'elle a fait. Écoutez. Ce reportage, ou alors cet élément. Bien, une fois de plus, je m'appelle Théophile Roger Boulom, présentateur de l'émission La Table des Vérités. Cet après-midi, j'ai pensé partager avec vous un élément, je veux dire, d'une émission que j'ai présentée et qui m'a posé beaucoup de problèmes. Depuis un certain temps, j'ai demandé à plusieurs de nos parents de régulièrement savoir ce que leurs enfants font du côté de l'Europe lorsqu'ils y vont. Et les parents, quand tu entends quelqu'un partir en Europe, tu crois qu'ici, là, depuis que je suis en France, je n'ai jamais ramassé un centime par terre. Un centime, je n'ai jamais vu par terre ici. Mais quand j'entends que l'autre en France, vous pensez qu'on fabrique l'argent ici? Vous pensez qu'on ramasse l'argent ici? Ah, ma fille en France, mon fils en France, tu commences à envoyer, ouais, occupe-toi de tes petits frères. Ouais, c'est comme ça qu'elle se prostitue. C'est comme ça qu'elle se met à faire des bêtises. Partage cette vidéo-ci. Tu es une maman, tu es en Afrique là-bas. Tu as envoyé ton enfant en Europe. Tu ne pries même pas pour l'enfant-ci. Quand elle te dit que viens, on va prier à l'école d'Esther, tu es là, tu passes le temps à boire la bière. Et vous qui êtes en Europe, si soit présent, ma famille, l'argent que tu envoies là, ils vont chez les féticheurs avec ça. Écoutez, c'est un journaliste. Voyez, il n'est pas enfant de Dieu. Un petit capital, elle peut se battre ici, elle peut faire le petit commerce, faire tout ce qui peut être générateur des revenus, mais préfère laisser tout cela, faire des économies, d'autres même dépouillent leur famille. C'est ça, on m'a envoyé ça. En Europe. Et régulièrement, ce qu'elles vont faire en Europe, c'est aller faire, je ne sais pas comment dire ça ici, permettez l'expression, déguster les excréments. Pour le dire en petit français, elles vont de ce côté-là manger les cacas. Alors, vous vous souvenez très bien que j'ai eu des problèmes lorsque j'étais en service dans une radio de la place, parce que une d'elles qui pratiquait la même chose, s'était vue pratiquement mourante. Et elle avait pensé qu'il était important de me confier toute la vérité, n'est-ce pas, de cette histoire. C'est ainsi qu'elle m'avait donné la liste, n'est-ce pas, de ses copines avec qui elle faisait cette pratique. Et elle m'a également... Donc, il y avait une qui faisait ça. Et... elle est morte finalement. Donc elle est partie voir ce journaliste. Ça avait chauffé au pays là-bas une année là. Ça avait chauffé au pays et la fille est morte. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Donc elle a donné la liste de ses copines. Il cite les noms ici, mais ça ne m'intéresse pas les noms là. Mais je veux que vous écoutez un peu ça. Je recommence au début. Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Tout dépend du moment où vous verrez ce reportage ou alors cet élément. Bien, une fois de plus, je m'appelle Théophile Roger Boulom, présentateur de l'émission La Table des Vérités. Cet après-midi, j'ai pensé partager avec vous un élément, je veux dire, d'une émission que j'ai présentée et qui m'a posé beaucoup de problèmes. Depuis un certain temps, j'ai demandé à plusieurs de nos parents de régulièrement savoir ce que leurs enfants font du côté de l'Europe lorsqu'ils y vont. Vous voyez, une fille qui a un petit capital, elle peut se battre ici, elle peut faire le petit commerce, faire tout ce qui peut être générateur des revenus, mais préfère laisser tout cela, faire des économies, d'autres même dépouillent leur famille pour aller en Europe. Et régulièrement, c'est qu'elles vont faire en Europe, c'est aller faire, je ne sais pas comment dire ça ici, permettez l'expression, déguster les excréments. Pour le dire en petit français, elles vont de ce côté-là manger les cacas. Alors, vous vous souvenez très bien que j'ai eu des problèmes lorsque j'étais en service dans une radio de la place, parce que une d'elles qui pratiquait la même chose s'était vue... pratiquement mourante. Et elle avait pensé qu'il était important de me confier toute la vérité, n'est-ce pas, de cette histoire. C'est ainsi qu'elle m'avait donné la liste, n'est-ce pas, de ses copines avec qui elle faisait cette pratique. Et elle m'a également donné les vidéos de chacune en pleine pratique. Une vidéo. Alors, j'avais dénoncé mais ça. Mais je ne peux pas montrer ça. Il n'y a d'aucune qui se sont permises de vouloir me corrompre. Écoutez, si je voulais avoir, ou si je voulais m'enrichir à travers cette affaire, Boulom, je serais très riche aujourd'hui, tellement riche, parce que chacune d'elles me proposait des fortes sommes pour que je n'en parle pas. Alors, vous savez, mon engagement, c'est un choix. Et j'ai opté de dire la vérité et je le ferai jusqu'au dernier jour de ma vie. Donc voilà pourquoi j'avais publié cette liste, d'ailleurs, liste que vous pouvez d'ailleurs voir ici. Voici donc les noms, n'est-ce pas, des filles, n'est-ce pas, qui dégustent les excréments en Europe. Elles sont au total. Merci Théo. Et je demande à toutes les familles qui nous écoutent de nous écouter bien attentivement parce que la liste, elle est assez longue. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas de vous faire écouter les noms là. Mais je vous ai, c'est une émission radio. Il a envoyé la vidéo. Comment on a arrêté une fille comme ça? Elle ouvre la bouche. Elle devient le trou du WC. Quelqu'un fait les excréments dans sa bouche. Je n'ai pas vu tout. Je ne peux pas voir les bêtises comme ça. Quand je dis aux gens que Jésus-Christ de Nazareth, que recevez Jésus-Christ, les raccourcis comme ça, vous souffrez sur la terre. Pourquoi? Juste pour paraître. Juste parce que tu es esclave des gens. Oui, depuis que tu es parti en Europe, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà construit tes égales contre. Vous connaissez comment ils font. Nous, là, nous faisons la délivrance. Il y en a à qui Dieu fait grâce, qui viennent se repentir, qui reçoivent le Seigneur, quand elles commencent à parler. Il y a une un jour qui était venue me voir. Elle va témoigner bientôt. Elle est venue dans mon bureau. Je ne la connaissais pas. Je l'ai vue. Je lui ai dit. Elle ne m'avait pas encore parlé. Je dis, Dieu me dit de te dire d'arrêter ce que tu fais là. Arrête ça. Dieu va prendre. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. La femme a tremblé. Elle me dit, quoi, maman Dédé? C'est là où elle a commencé à me raconter ce qu'elle fait. Je suis restée comme ça. Dès qu'elle est entrée dans mon bureau, le Saint-Esprit a commencé à me parler. J'ai seulement commencé à dire, je te dis ce que je reçois. Dieu dit que ce que tu fais là, tu arrêtes. Et là où elle était, elle avait reçu un coup de fil de quelqu'un qui l'attendait. Faisons attention. Quand je dis aux parents de venir prier pour leurs enfants, quand je dis aux gens de venir prier, parce que je vous assure, vous n'allez pas échapper. Je dis qu'il y a deux endroits. Elle dit que quand tu finis la thèse, tu pars. Soit dans l'un, soit dans l'autre. On ne fuit pas. Je vais vous faire voir encore l'autre vidéo. Où le gars fouille la chambre de sa copine. Il trouve une bouteille. Je vous ai partagé celle-ci. L'autre, si je partage, fais-moi bloquer une fois comme ça parce que j'ai partagé un faux truc comme ça. Ils m'ont bloqué sur tous mes comptes. Je n'arrivais plus à prêcher l'évangile parce que nous sommes sur les réseaux pour prêcher l'évangile. Je vous assure. Vous allez entendre, oui, elles font les voyages, elles viennent, elles partent, elles viennent, elles vous naguent, les hommes comme les femmes. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Ceux qui pratiquent, qui trafiquent la drogue. Vous ne savez pas ce qu'ils font. On vient nous insulter. Oui, ceux qui parlent de Dieu là sont des escrocs, mon frère. Mieux encore. Mangez les cacas. Mangez les excréments. Après, tu vas aller coucher avec une fille comme ça. Après, tu vas aller embrasser une fille comme ça. Hey! Attends, il te montre l'autre vidéo. Je vais te montrer l'autre vidéo du gars. Ça, tu peux voir parce que... Oui, mon frère. Moi, voici Joe. Donc, je dors à la maison. Je suis à la maison avec le... Mon frère, Nami Tatunjaman, Anasongawi, mon frère. Moi, voici Joe. Donc, je dors à la maison, je suis à la maison avec le diable en personne, je ne comprends pas. Abidjan, j'ai fait deux prisons que je ne comprends pas les textes. Ça, regardez vous-même, c'est qu'une femme, je suis en train de fouiller la maison là parce que je suis chez ma copine là, la mère, la soi-disant mère de mes enfants. Je suis en train de fouiller quelque part là. Regardez vous-même la tête du monstre. Le monstre. Là, c'est bafoumé. Hein. Regardez, c'est le monstre là, c'est bafoumé. Regardez ce qu'on a écrit sur ça. Mm-hmm. Regardez vous-même ce qu'on a écrit sur ça. C'est ben. C'est bien spécialement conclu pour vous permettre de vous purifier et de vous désenvoûter. Hein, donc, envoûter. Mon frère, c'est même traumatisé, boy. Lisez vous-même. Rien. Vous voyez? On m'a toujours parlé, j'ai jamais cru. On m'a toujours dit, et j'avais cru, voilà ça. C'est ça. Ça veut dire que je suis à la maison en Asomga, on m'a même appelé l'autre jour pour me dire ça. Fais attention, il ne comprenait pas. J'ai dit qu'il fait la tête que non, non, non, la fille ne peut pas me faire ça. Voilà ça. Ben spirituel. Voilà ça, la tête du monde. Ça veut dire que je suis à la maison avec le monde, c'est un Njuju, mon frère. Njuju Kalava. Alléluia. Le don est mauvais. Il dit qu'on lui a toujours parlé, il n'a pas cru. C'est comme ça quand on te parle, tu ne crois pas. Tu dis, ah, vraiment, madame Tchala, tu racontes les histoires. Tous les jours, tu es seulement la sorcellerie, sorcellerie. J'ai vu un mariage qu'on a publié les photos sur Facebook ici. Un mariage avait un gros djunjou comme ça. On dit que c'est la fête, que c'est la culture, que c'est la tradition. Le diable, il ne se cache plus, il est déjà dehors comme ça. Tu marches avec quelqu'un. Voici un gars. Il dit que sa mère lui a dit. Il n'a pas compris. Il dit que sa mère l'a appelé que fais attention. Il n'a pas compris. Il dit, ah non, sa copine là ne peut pas. Je vous dis, venez en prier pour vos enfants. Venez prier pour vous-même. Venez prier pour vos enfants. Vous ne savez pas ce qu'ils font là où ils sont. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Vous pensez que les thèmes que je partage sont les blagues. Ce sont les inspirations. C'est le Saint-Esprit qui me parle. L'heure est grave. Arrangeons nos vies pour... Elle dit que prions. Nous devons commencer à nous défaire de certaines choses. Des compagnies. La mère de ses enfants. Elle dit qu'il a fait 2 prisons. Il n'a pas compris. Les problèmes que tu as aujourd'hui, tu ne sais pas d'où ça vient. Peut-être tu marches avec quelqu'un qui a des choses bizarres dans les poches. Une personne qui exploite ton étoile. Parce qu'on vous a dit que pour réussir, il faut chercher Satan. Il faut chercher le diable. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Jésus-Christ de Nazareth, quand tu le reçois, il te délivre. Quand je parle de la délivrance aussi, je viens ici, je tape ma bouche, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Parce que c'est en cherchant ta délivrance que tu peux vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Mais beaucoup cherchent la délivrance et chez les prêtres, elle dit que c'est un bain spirituel. Avec le diable dedans, Baphomet dedans, les cornes comme ça. Vous avez vu que Dieu fait peur à quelqu'un. Quelqu'un met une image, un masque. Regardez. Le diable est dehors. Et maintenant, il est subtil. Et il commence à pour vous maintenir dans ces histoires. Il commence à vous parler, wow, les pipis, l'urinothérapie, il faut boire les pipis le matin pour être guéri, pour avoir la santé. Mon frère, celui qui boit les pipis est différent des gens qui mangent les excréments. Hein? Les vidéos, la personne qui veut ça, inbox, je vais vous envoyer ça. La personne qui me dit envoie-moi, écrivez-moi. Je vais vous envoyer ça. Comment elle est couchée comme ça? Quelqu'un est au-dessus d'elle. En train de déféquer dans sa bouche. Ce n'est pas quand on donne avec la cuillère que tu manges. Je vous avais raconté une histoire ici, qu'un de mes fils m'avait raconté que sa petite sœur avait dans sa classe une fille dont le dîner c'était les excréments. J'ai parlé, les gens ont pensé que je fabriquais les histoires. Là, j'ai la vidéo. Comment quelqu'un mange les excréments. Ce n'est pas différent de boire les urines. Ce n'est pas différent de laver sa face avec des pipis. Non, si tu as les boutons, alors mets le sang des menstrues sur ton visage. Qui vous parle de la sorcellerie comme ça? J'ai entendu dans les gens avec qui je prie ici, il y en a qui ont mis dans la bouche. Il y en a, on a dit que non, ça va te soigner. Il y en a, on a dit, ça va faire quoi? Maman, qu'est-ce que ça fait encore? Ça guérit quoi? Et toutes ces personnes-là ont des sérieux problèmes. Toutes ces personnes qui font ces pratiques abominables. Comment tu vas manger les caca? Tu vas aller prier Dieu. Comment tu vas boire les urines? Vous vous plaignez que nous prions, Dieu ne nous écoute pas. Tu as bu les pipis? Tu as bu les pipis? Il y a une femme dans mon église un jour qui me dit, Maman Dédé, Dieu m'a dit de ne plus faire la modération. Une personne qui partait boire les pipis, je lui ai demandé que comment Dieu peut te permettre. Tu peux boire les urines, soit disant que ça va te faire concevoir. Beaucoup d'enfants de Dieu boivent les pipis. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. Mais vous allez venir condamner ceux qui mangent les excréments. Tout ça, c'est des excréments. Les excréments, c'est les urines. Les excréments, c'est les déchets, les sels, les cacas. C'est ça, les excréments. La saleté qui sort du corps. Moi, j'ai fait la science. J'ai fait la D. La saleté qui sort du corps, que le corps rejette. Que le corps envoie dans les lieux secrets. Comme Jésus a dit, que ce qui entre dans l'homme, ça sort pour aller dans les lieux secrets. Toi, tu reprends prendre ça Parce que d'après toi, Dieu était bête. Dieu n'était pas sage. Dieu n'avait pas toute sa tête. Et toi, il dit, c'est dans les lieux secrets. Et on fait ça, ça sent même mauvais. On fait ça là où tout le monde ne voit pas. Là, on est caché. Tu prends ça, on te dit que non, c'est l'urinothérapie. Ça soigne beaucoup de maladies. Ça donne la chance. Quelle chance ça donne? Vous avez besoin de la délivrance. Il y a des gens qui utilisent les sangs des menstrues pour mettre sur le visage, pour boire même. Les satanistes le font parce qu'ils savent ce qu'ils prennent. C'est satanique, c'est démoniaque. Toutes ces choses-là. Le sang des menstrues. Oui, il y en a qui vendent les tampons de leurs menstrues pour devenir riches. Pour devenir riches. On a une histoire au Cameroun. Une fille rencontre un monsieur et le monsieur ne couche pas avec elle. Le monsieur lui dit, si tu m'aimes, fais les caca dans l'assiette là, je mange. La fille dit qu'elle n'avait même pas envie d'aller au sel. Elle a déféqué dans le plat. Le gars a mangé comme s'il mangeait le saucisson. Après, il a pris 5 millions de francs CFA. Il a donné à la fille là que va faire ton deuil. Va donner à ta famille, ils vont faire ton deuil. La fille n'a pas fait deux jours, elle est morte. Quand on mange tes excréments, quand tu manges les excréments, tu bois les urines, tu es maudit. Tu es un sorcier. Comment Dieu va écouter tes prières? Tu prends les urines, tu mets sur ton visage. Après, tu vas dire que tu ne te maries pas. Après, tu vas dire que tes affaires ne marchent pas. Après, tu vas dire que les gens te rejettent. Tu as mis le masque sur ton visage. Quand tu mets ça, je vais te dire à quoi tu ressembles. Tu ressembles à un djunjou. Quand tu mets les choses là sur ta face, les urines et tout ça là, je vais te montrer à quoi tu ressembles. Tu ressembles à un djunjou. Tu as le masque sur le visage. Tout le monde va te rejeter. Personne, rien de bon ne va arriver dans ta vie. Il y a des gens qui sont assis dans les églises en train de nous fatiguer. Wow, Dieu ne fait rien dans ma vie. Wow, Dieu ne m'exauce pas. Wow, Dieu ne me parle pas. Wow, Dieu ne m'écoute pas. Mais Dieu va faire quoi avec toi? Regarde. Quand tu mets les excréments sur ton visage, le masque sur ton visage, les urines sur ton visage, tu ressembles à un djunjou aussi. Regarde ça. Tu vois à quoi tu ressembles? Tu as vu? Regarde. Est-ce que tu vois? Tu as vu le djunjou là? Hein? Voilà. Il y en a qui m'ont dit que c'est la culture, c'est... Mon frère, tu pars en mariage et un truc comme ça. Ton étoile est restée là-bas. Ton étoile est restée là-bas. Et c'est des choses comme ça qui finissent, qui détruisent vos étoiles. Quand tu finis donc de faire ça, tu as les abus, les pupilles, les filles qui boivent les caca, qui mangent les caca là. Je vous assure, c'est sûr que parmi elles là, elles ont bu les pupilles quelque part. Dans la famille, on les a dit que non, les pupilles, c'est bien. Et les pupilles sont montées, descendues, tout ça. Je vous parlais. Le monde, c'est le diable, ne se cache plus. Et maintenant, comme il y a les réseaux sociaux, il y a une qui m'a dit au programme de prière, elle me dit, maman, j'avais vu une vidéo sur YouTube, on était en train de vanter les vertus de l'urine. Dieu qui est le créateur, qui a créé l'homme, Dieu qui t'a créé, dit que ça doit aller dans les lieux secrets. Maintenant, un homme qui ne connaît rien vient te dire que tu dois boire tes urines, tu dois manger tes excréments. Un homme vient te dire le contraire, c'est ce que le diable a fait au jardin d'Éden. Et puis tu prends ça, tu agis. Tu prends ça, tu laves ta face avec. Oh, mets le sang de masque sur ton visage. Un sang qui est sale. Tu prends ça, tu mets sur ta face. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe même? Et c'était, je me souviens, une année, au pays là-bas, ça a chauffé. Au port, ma génitrice me dit que, oh, ça chauffe déjà les pupilles du matin. J'ai dit à ma mère que je faisais terminale. J'ai dit, maman, je fais la science. Dans la science, on dit que les urines, là, c'est la saleté du corps. C'est même pas la Bible. Je ne connaissais même pas encore la Bible comme je connais ici. Je dis, la science dit que les déchets du corps, là, hein, on ne remet pas ça dans le corps. C'est des toxines, c'est de l'acide, c'est plein de trucs. Dans les urines, il y a les microbes. Il y a plein de choses. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu es malade, on te fait l'examen de sang, on te fait l'examen de l'urine. Mais comment vous pouvez prendre ça et boire ça encore? C'est du satanisme. C'est de la magie. Regardez la vidéo. Ils savent que quand vous faites ça, vos étoiles sont sacrifiées. Vous allez vivre dans une pauvreté. Vous allez être séparés de Dieu. Vous allez vivre dans une misère. Le diable, c'est un menteur. Il peut te tromper comme il a trompé Adam et Ève. Nous sommes aujourd'hui en train de souffrir sur la terre sinon. Parce qu'il avait dit, Dieu t'a réellement dit. Ils n'ont pas cru à ce que Dieu avait dit. Ils sont allés se confier au serpent. Nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes où aujourd'hui avec les nénés bandés comme ça? On marche comme des facochères, comme des chevaux qu'on a mis le mort sur la bouche. Prions. Recevons Jésus tant qu'il est temps. Les pratiques, les traditions, les coutumes, quittez dans ça. C'est de la sorcellerie. Ceux qui font ça, ils vous exploitent. Oh, c'est nos coutumes. Oh, c'est nos traditions. Tradition de quoi? Quittez les traditions, quittez les coutumes. Cherchez Jésus. Arrangez vos vies. Laissez le mal. Et si tu as fait ça, tu m'écoutes là. Répands-toi. Cherche la délivrance. Répands-toi. Tu es parti manger les excréments. Il y en a qui mangent le sperme. Qui mettent le sperme sur le visage. Les gens qui pratiquent les actes infâmes là. Tu as bu le sperme. Le sperme, c'est le sang. Dieu interdit de boire le sang. Même l'urine. L'urine, c'est le sang. Hein? L'urine, c'est le sang. Dans ton urine, il y a ton ADN. Voilà. L'urine, c'est le sang. Avec tes excréments, avec tes urines, on peut déterminer ce qui se passe dans ton corps. Et tu as bu ça. Dieu interdit de ne pas boire le sang, de ne pas manger, de ne pas consommer l'âme, parce que l'âme est dans le sang. Toi, tu bois le sang. Pardon. Les gens qui vont chez les féticheurs, si. Il y a une maman qui m'a écrit. Elle me dit, elle avait sa tante. Écoutez bien. Sa tante, là, allait chez le féticheur. Non. Elle, pour envoûter son mari, elle prenait ses pertes blanches. Elle mettait dans quoi, là? Elle mettait dans la nourriture de son mari. Regardez le gars qui pleure, si, que sa copine est partie prendre... les bains spirituels là pour se laver et il a dit qu'il a déjà fait deux prisons. Quand on te dit de chercher Jésus, quand on te dit de venir prier, tu penses que c'est pour le bien de quelqu'un? Le gars dit qu'il refusait de croire, mais tous les jours, peut-être la femme si mettait ça dans sa nourriture, peut-être qu'elle finissait de se laver avec, elle partait coucher avec lui, elle l'embrassait. Hein? Il dit qu'il a fait deux prisons sans technique. Il ne comprend pas pourquoi. Les gens avec qui tu marches, tu connais les pratiques qu'ils font. Tu connais. Ah, ma meilleure copine, ceci, cela, tout ça. Elle est en train de manger les caca quelque part. Quand elle vient te snober. Elle vient te blaser. Elle ne te dit pas ce qu'elle fait. Oh, mon pote, il a déjà construit. Il a déjà ceci, cela. Et tu es là, tu te vends ton quartier. Et il te nague. Et tes parents commencent à t'insulter. Tu n'as pas vu ta copine là-bas. Elle se nourrit, elle s'occupe de ses parents. Elle fait du bien à ses parents. Et toi, tu es seulement ici. C'est nous qui devons encore nous occuper de toi. Tu sais ce qu'ils font? Tu sais. Tu connais. Tu connais ce que les gens font pour avoir l'argent. Contente-toi de ce que tu as. Reçois Jésus-Christ. Jésus va te combler, il va te protéger. Quand tu reçois Jésus, les gens comme ça ne peuvent pas rester à côté de toi. Quand tu vas commencer à allumer le feu, j'allume le feu dans mon âme, j'allume le feu dans mon esprit, j'allume le feu dans ma maison, mon ami, ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Ce sont les gens comme ça qui vous empêchent d'aller à l'église. C'est des gens comme ça qui vous disent non, ne partez pas dans les églises là. Les pasteurs sont des escrocs. Mieux un pasteur t'escroque qu'un féticheur t'escroque. Et la tête de mort qu'elle peut prendre ici, elle n'a pas pris ça gratuitement. Hein. Elle a payé ça. Pour ruiner la vie de l'enfant de quelqu'un. Tu connais avec qui ton fils sort. Tu connais avec qui ta fille sort. Tu connais avec qui ton frère marche. Avec qui ta soeur marche. Avec qui tes enfants marchent. Tu connais. Tu connais. Tu connais. Quand je te dis, viens, on prie pour les enfants parce que nous sommes des parents. Viens, on prie pour les enfants parce que nous sommes des mamans. Viens prier pour ton foyer. Ton mari peut aller avec une fille qui fait les pratiques comme ça. Tu es là, tu es en train de dormir. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Parce que quand quelqu'un qui est en contact avec toi, est en contact avec quelqu'un qui fait des pratiques, ça t'atteint. Il prend ton étoile. Ça te capture. Ça te... tu vas te rendre compte que ma vie ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu marches avec quelqu'un qui marche avec quelqu'un qui fait du mal. Par exemple, tu as quelqu'un qui il couche avec toi, il couche avec la fille. Si le gars, si par exemple, c'était la mère de ses enfants, si la fille, le gars, s'il avait des copines aussi, qu'il trompe aussi la fille là, il va coucher avec d'autres filles. La bouteille de Ndjundjul que vous avez vue ici, ça détruit toutes vos vies. Et la fille là aussi part coucher avec quelqu'un. C'est la destruction en chaîne. Le péché n'est pas bien. Jésus-Christ de Nazareth, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des personnes, quand elles reçoivent Jésus dans leur famille, c'est le carnage. C'est des sorciers. Ils savent que tu es leur victime. C'est avec ton étoile qu'ils se nourrissent. Donc si tu pars à l'église, tu nais de nouveau. Et puis on te délivre. On te délivre. On te délivre. Ils n'auront plus sur quoi se sucrer. Quand Pharaon a appris que Israël voulait quitter l'Égypte, il dit qu'il va encore travailler pour moi. Nous, on aura encore la main d'œuvre gratuite comme ça. Qui? Vous ne partez pas de l'Égypte. Vous ne sortez pas d'ici. Pharaon a commencé à faire. Après, il dit partez. J'ai noté ça dans ma Bible, j'ai souligné. Il dit partez, laissez vos richesses. Partez, mais laissez vos richesses. Partez, laissez votre argent. Le diable, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde? Appauvrir les gens. C'est dans le livre de témoignages, il raconte ce que je suis en train de faire, les émissions-ci. Il dit réduisez la réunion de Satan dans le monde des ténèbres. Dans le livre, il raconte. Il dit ça. Le bishop des bishops, il était à la réunion. Il a écrit dans son livre de témoignages. Le diable dit enlevez 50% de la monnaie en circulation. C'est écrit dans le livre là. Apportez-moi le livre de témoignages. C'est écrit dedans. Réduisez la monnaie de 50%. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? L'économie. L'économie, dans le livre, c'est écrit dedans. L'économie est en train de chuter. Les entreprises ferment. Les confinements, si. La pauvreté. C'est écrit dedans ici. La réunion du gouverneur de Satan sous son temple qui est sous quoi là? C'est écrit dedans. Je vais faire la prochaine émission. Je vais vous expliquer. Réduit 50% de la monnaie. Regardez le monde. L'argent ne circule plus. L'argent a disparu. C'est spirituel. Parce que quand ils vont finir de vous appauvrir, ils viennent avec l'autre main, venez manger les caca, entrez dans les sectes, servez Satan, ils vous imposent. Parce que vous êtes pauvre. Mais quand tu es un enfant de Dieu, les vrais enfants de Dieu ne vont pas souffrir. Je le parle, je l'assume, je le répète. C'est pour ça que j'exhorte les enfants de Dieu à arranger leur vie avec le Seigneur. Nous n'allons pas souffrir. Quand la Bible dit que Dieu a abrégé les souffrances à la cause de nous, parce que sinon personne n'allait être sauvé. Quand le Seigneur verra que c'est fort, qu'on ne peut plus supporter, il va nous enlever. Je ne crains pas ce qui va se passer. Je suis calme. Je continue seulement à prier, à me repentir, à demander pardon à Dieu pour mes péchés, à mettre ma vie au propre. Ça, c'est mon homework. Ça, c'est mon assignment. C'est mon devoir que moi, je fais. Et c'est ce que tu dois faire. Je ne panique pas de ce qui se passe dans le monde. Je ne panique pas. Parce que je sais que celui qui est en moi, il est le maître de l'univers. Il est le créateur de ce monde. Il est le créateur du ciel et de la terre. Donc, tant que je suis du côté de Dieu, je n'ai rien à craindre. Mais ne soyons pas un pied dedans, un pied dehors. Le mot là ne doit pas sortir dans ma bouche parce que sinon. Pour le Seigneur, que chacun choisisse son cas. Rien ne va plus s'arranger dans la terre. Rien. Tout va s'empirer. C'est écrit dans la Bible. Lisez la Bible. Je vous en supplie. À partir de maintenant, les Bibles vont disparaître. Il y a une Bible que je cherche à acheter depuis une semaine. Sur tous les sites, on dit la Bible là n'existe plus. Une bonne Bible. J'ai déjà cherché à acheter ça. Je tape ici, il n'y a pas. Je tape ici, il n'y a pas. Je tape ici. Les Bibles vont disparaître. C'est le moment d'acheter vos Bibles en papier. Les Bibles électroniques, ils vont supprimer. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'heure est grave. L'heure est grave. Enseignez à vos enfants la Bible, la parole de Dieu. Lisons les Bibles. Voici la fin de l'année, non? Il y aura les soldes. Tu vas aller dépenser l'argent. Achète les Bibles. Achète même 4 Bibles différentes, de différentes versions. Commence à lire ça chez toi. Il y aura un moment, même la Bible, on te trouve avec ça, on va te tuer. Mais nous, on est en train de charger nos esprits de la Bible. Ça fait que quand, comme je suis en train de me charger là, même si tu enlèves ma Bible, c'est dans ma tête. Je connais la parole de Dieu dans ma tête. Parce que le diable, il va t'amener à pécher parce que tu manques de connaissance de la parole de Dieu. Faisons attention. L'enfer. Il y a les pasteurs qui ne prêchent pas sur ça. Rien de souillé ne va aller au ciel. L'enfer, c'est un feu éternel qui ne s'éteint pas. Nuit et jour, tu es dedans. Tu ne meurs pas, tu es là. Tu ne meurs pas. J'ai une de mes mamans là qui, le Seigneur lui a montré l'enfer l'autre jour. Elle dit, maman, Dédé, ce que j'ai vu, la soif pouvait me tuer. Et pendant ça, on était en train de prier pour son âme. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si elle n'est pas prête, ne la prends pas. Si elle n'est pas prête, ne la prends pas. Est-ce que vous comprenez? Tu vas mourir, tu es prêt. Quittez l'affaire de la terre-ci. Recevez Jésus. Abandonnez les péchés. J'ai une de mes filles qui m'a dit l'autre jour, celle qui avait fait le témoignage que elle, le caleçon de l'homme est resté. Elle me dit, maman, t'aider. Pour effacer les messages de ce monsieur dans mon téléphone, je pleurais. Elle est tombée malade. Mais l'autre jour, hier, elle m'a envoyé le message. Elle me dit, maman, je me sens bien. Je me sens légère. Je me sens libre. Je suis en train de faire la paix avec Dieu. Je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie. Maman, dès que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te dit, je reçois les bénédictions. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Tu es incapable de lire ta Bible. Ce qui t'intéresse, c'est de regarder les derniers mots à la nouvelle chaussure. À qu'est-ce qu'on va porter en fin d'année? Quelle est la coiffure qui va chauffer? Je vous ai partagé les affaires des faux cheveux que vous mettez sur vos têtes là. Il y a des gens qui n'aiment pas le message là. Vous n'allez pas en crosser avec. Je vous dis la vérité. Commencez à vous préparer. Vous allez regretter. Vous allez croire à ce message là. Quand la trompette va sonner, quand on sera à partir, c'est là où vous allez commencer à chercher les vidéos là pour prier. Il sera trop tard. Le Saint-Esprit aura déjà quitté la terre. Le Saint-Esprit, faisons tout maintenant. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Nul ne connaît ni le jour. Tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à la fin de ce mois. Je te parle d'arranger ta vie. Hein. Je te parle d'arranger ta vie. Ce que le vie se passe dans le monde-ci. Les gens sont comme s'ils sont aveugles. Jésus avait bien prophétisé ça que ce sont des aveugles. Ils voient, mais ils ne perçoivent pas. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se repentent. Ce qui se passe sur la terre-ci, arrangeons nos vies avec le Seigneur. Jésus-Christ arrive. Rien ne va plus se passer de bon. Le monde est en train de basculer. Je vous dis que le Dieu que je viens d'écouter ici, qu'on vient de m'envoyer, demandez-moi ça, je vais vous envoyer ça. Le monde s'y va chambouler. Regardez les élections des États-Unis. C'est hautement spirituel. Et après ça, vous allez voir le monde prendre une autre tournure. Vous allez voir. La Bible dit que celui qui se souille davantage. Si tu refuses, que tu sais que tu ne vas pas aller au ciel. Mieux tu ancres dans tout ce qui est mauvais là. Tu fais ça bien. Ne fais pas que tu vas souffrir sur la terre, tu vas aller souffrir en enfer. Choisis bien ton camp. Choisis ton camp et sois calé dans ton camp. Là, quand tu vas brûler, en fait, tu vas dire que sur la terre, quand même, j'ai un joy. Donc, si je suis ici, c'est... Je vous dis que le monde est compliqué. Choisissez Jésus. Arrangez vos vies. Aujourd'hui, il y a une fille, il y a une fille qui m'a appelée. Je lui dis, quel est ton problème? Elle me dit, maman Dédé, franchement, ça m'a touchée. Maman Dédé, je veux recevoir Jésus de Nazareth. C'est pour ça que je t'appelle. Je l'ai appelée aujourd'hui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, je veux recevoir Jésus. C'est ça mon besoin. C'est ça mon problème. Je lui ai dit, répète après moi. Je l'ai conduit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur Jésus, une personne qui m'appelle pas pour me dire qu'elle veut le mariage. Elle m'appelle pas pour me dire qu'elle a tel problème. Elle me dit son problème, c'est qu'elle veut recevoir Jésus. Elle dit, maman, je te suis depuis longtemps. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de t'écouter. Je suis convaincue, je veux recevoir Jésus. J'ai dit, waouh. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle, pardon, arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Parce que bientôt, nous allons décoller. Ça va chauffer dans ce monde. Je dis, arrangeons nos vies pendant qu'il est temps. Arrangeons nos vies maintenant. Jésus a dit, ce sont les paroles de Jésus. Dans ma Bible, toutes les paroles de Jésus sont en rouge. Jésus dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe la main là, jette ça. Mieux vaut pour toi aller dans le ciel avec une main que d'aller brûler avec deux mains en enfer. Mon ami, je veux vous parler de votre éternité. Je dis, hé Seigneur, pourquoi le temps si... Tu n'as même pas laissé un peu enjoy de la terre, mon frère. Il n'y a plus le temps. Le diable même sait qu'il n'a plus de temps. C'est pour ça que vous allez tout voir. Et les vaccins, et les ceci, mon frère. Il n'y a plus le temps. Satan sait que bientôt, Satan sait l'heure. Mais lui nous fait croire que nous avons le temps. Nous devons nous repentir. Avec tout ce que nous avons fait dans nos vies ici, depuis que nous sommes nés, nous avons fait des choses. Et tu n'as même pas encore demandé pardon à Dieu. Tu ne t'es même pas encore converti. Tu ne t'es même pas encore repenti. Et tu parles de Jésus. Tu vas aller où? Tu vas souffrir sur la terre parce que tes voisins savent que tu es enfant de Dieu. Et quand tu vas rester, ils vont dire qu'on avait une fille ici qui criait souvent le feu et feu ici. On va venir te découper chez toi. Arrangeons nos vies. Tu as encore des enfants païens. C'est le moment de prier Dieu pour eux. D'intercéder pour les membres de ta famille qui refusent le Seigneur, qui discutent. Vous discutez. Quand le père là a dit que maintenant dans son église on peut faire n'importe quoi, j'ai quand même les gens gesticulés, j'ai rigolé. Je dis, mais c'est écrit dans Daniel. Quand vous allez voir l'abomination installée dans le lieu saint, c'est écrit. Mais pourquoi vous perdez le temps? Lisons la Bible et soyons préparés. Lisons la Bible et il dit que celui qui est debout, qui est au champ, ne rentre pas à la maison. Ne regardez pas, oui, mon frère ne croit pas, oui, mon mari ne croit pas. Est-ce que ceci, cela, monté, descendu, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qui va, mon frère, on n'est plus au niveau de ce que les autres vont dire. Quand tu vas brûler en enfer, tu seras seul. Tu seras seul. Tu n'as pas besoin d'aller manger les excréments pour être béni. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'utiliser les urines pour faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur, d'aller faire des pratiques pour vivre ta vie. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth, de le recevoir, de reconnaître qu'il est ton sauveur, le seul sauveur. Il n'y en a pas deux. Il est le seul sauveur. Il est le seul qui nous amène à Dieu. Il est le seul qui nous donne accès au ciel. Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu l'as reçu, tu demandes pardon pour le péché originel, les péchés de tes ancêtres, tes péchés personnels. Tu demandes pardon au Seigneur. Après, on appelle donc ça la nouvelle naissance. Tu te baptises dans l'eau. Il y en a qui sont dans les églises qui hésitent à prendre le baptême. Baptisez-vous. J'ai dit à la fille là, qui m'a appelé que j'ai conduit au Seigneur aujourd'hui. Je dis, si on lève le confinement, je vais programmer, parce que j'ai mes enfants spirituels partout qui ont reçu le Seigneur, qui ne sont pas baptisés. Je prends, fait pour vous parler, dès qu'on dit que confinement finit, le premier dimanche là, je vais organiser les baptêmes. Descendez à Paris, on vous baptise. Parce qu'on n'est pas sûr de quoi que ce soit sur la terre. On n'est plus sûr de rien. Il faut que vous vous baptisez. Vous devez vous baptiser après avoir reçu Jésus. Et dès que tu finis ça, ta délivrance. Commence à mettre ta vie au propre. La délivrance te permet de mettre ta vie au propre. Parce que sans Jésus, ta vie était au brouillon. Maintenant, ta vie est au propre. Tu n'auras plus besoin. On va te dire, oui, si tu... je vous ai partagé une vidéo. Un monsieur qui est mort parce qu'il allait dans une tontine et dans la tontine, il faisait les pratiques, il faisait la magie. Le monsieur travaille son argent, il va donner dans la cotisation, dans la tontine. Les gars l'ont tué parce qu'il a refusé d'entrer dans leurs pratiques, dans leur cercle mystique que vous m'appelez les traditions, que vous m'appelez les coutumes, et vous portez les masques comme ça pour partir dans les mariages. Et au retour du mariage, il y a quelqu'un qui a fait l'accident. Il a failli mourir. C'est la sorcellerie. Vous croyez que c'est quoi? Heureusement que lui-même, il n'est pas facile. Vous jouez avec vos vies. Vous jouez avec vos vies. Ton ami va t'appeler. Oui, je vais me marier. C'est cérémonie traditionnelle. Il n'y a pas Jésus. Ne pars pas là-bas. On va aller sacrifier ton étoile. Ne pars pas. On va arriver là-bas. C'est les danseurs, ceci, cela. C'est les masques, c'est les ceci. On va te sacrifier là-bas. Ne pars pas. Ne pars pas. Ceux qui sont initiés savent ce qu'ils font. Vous tous là, vous êtes bêtes. On vous vide. Tu pars là-bas, tu rentres, tu es vide. Comme tu aimes la nourriture. Oui, ce sont les riches. Ils nous ont invités, mon frère. Sinon, pas Jésus, ne pars pas. Ne pars pas. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Priez pour vos enfants. Priez pour vous-même. Priez pour vos âmes. Priez pour vos esprits. Priez pour vos vies. Priez, pleurez devant le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne veux pas rater mon éternité. Je ne veux pas partir en enfer. Je ne veux pas, Seigneur, aide-moi à m'affectionner aux choses d'en haut. Seigneur, lève mon cœur dans les choses de la terre-ci. Je vous ai dit dans une prière matinale, quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, Dieu te donne les choses d'en bas. Quand tu cherches les choses d'en haut, Dieu te donne les choses en bas. Nous, les vrais enfants de Dieu, nous n'allons pas manquer du pain quotidien tant que nous sommes sur la terre. Notre Père qui est dans les cieux pourvoit. On n'a pas besoin de ça. Allez manger les excréments. Si tu as fait ça, ne ferme pas ta bouche. Parle. Écris-moi, je vais prier pour toi. Tu ne vas pas mourir. Le Seigneur va te libérer. Dieu peut te réveiller, il peut te pardonner encore. Même si tu as fait des choses abominables. Même si tu as fait quoi? La femme qui m'a appelée tout à l'heure, elle me dit, elle a réfléchi. Elle dit que quand elle m'écoute, elle comprend quand je dis que même si tu as fait quoi, Jésus peut te pardonner. C'est sûr qu'elle a fait des choses abominables, des choses compliquées. Elle a eu peur. Qu'est-ce que Dieu peut me pardonner? Je te parle. Même si tu as tué. Dans le livre-ci, c'est du satanisme que le monsieur raconte. Il raconte sa vie dans le satanisme. Comment il a mangé les gens. Il a bu le sang humain. Il a détruit. Mais Jésus-Christ l'a sauvé. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. Il était dans les réunions avec tous ces dignitaires mondiaux là, qui sont en train de travailler pour déstabiliser le monde entier. Il était là-bas très jeune. Et le Seigneur a permis qu'il sorte de là pour venir dénoncer tout ce qu'ils sont en train de préparer, qui se passe aujourd'hui. Ce qui est écrit là, nous vivons ça maintenant. C'est pour ça que je fais l'émission sur ça. Je vais faire ça peut-être demain par la grâce de Dieu. La quatrième émission de ce livre. Je veux parler à quelqu'un avant de partir. Donne ta vie à Jésus. Même si tu as fait quoi? À moins que tu as péché contre le Saint-Esprit, tu es condamné. Pardon, là, c'est un péché éternel qui ne sera jamais pardonné. Donne ta vie au Seigneur. Et toi qui es enfant de Dieu, arrange ta vie. Tu n'as plus le temps. La bénédiction que tu cherches, ça va te trouver devant. Ne t'assois pas pour dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, Dieu va te bénir. Mais arrange ta vie. Dis, Seigneur, ta prière que tu dois faire maintenant, c'est, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je te demande pardon. S'il y a encore un péché qui est caché dans ma vie, un péché que j'ai commis, que j'ai oublié, pardonne-moi. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé quelque chose, un message. Elle m'a dit, maman, dès quand on faisait la veille de prière, c'est revenu dans mon esprit. Elle dit qu'elle avait 10, 13 ans. C'est une femme qui a des problèmes. Parfois, quand elle a un genre comme ça, c'est qu'il y a des choses dans sa vie. Elle dit qu'elle avait 10, 13, elle était jeune. Dans la famille, dans sa famille où elle vivait, ils avaient un petit chien. Elle dit qu'elle dormait avec le chien là. Je lui ai d'abord demandé que c'est le rêve ou bien ce n'est pas le rêve. Le titre, c'est ça. Elle dit que c'est fait physique. Le petit chien est entré dans la couverture, dans ses parties intimes, commençait à la lécher, lécher, lécher, aller jusqu'à lécher ses parties intimes. C'est Dieu qui lui rappelle ça. C'est une maman, hein? Elle est vers 50 ans. Disons de 13 ans à peut-être 48 ans. Regardez l'écart d'âge. Bah, c'est pas de ma faute. Je vais montrer ça comment. On va vous écrire ça. Contactez-moi ceux qui veulent le livre. L'écart d'âge jusqu'à aujourd'hui. Le chien a léché ses parties intimes. Pas dans les rêves, physiquement. Vous croyez que ce n'est pas un péché? Vous pensez que ce n'est pas un péché? C'est une porte. C'est un péché. Donc, il y a tellement de choses comme ça dans nos vies, dans nos âmes. Des choses qu'on a fait quand on était petit. On doit demander pardon à Dieu pour ça. Quand on reçoit Jésus, c'est le péché originel qui est brisé. Maintenant, tes péchés personnels, ancêtres-là, nous nous repentons au fur et à mesure. Parce que ces péchés-là, on donne le droit légal à Satan de détruire ta vie. Le péché a léché ses parties intimes. Elle me dit, maman, ce n'est que hier à la veillée. Quand tu étais en train d'insister, tu faisais la délivrance des maris de nuit. Que le Seigneur a ramené ça dans mon esprit. Vous savez quoi? Quand quelqu'un va aller en enfer, tu vas connaître que Dieu est juste. Parce qu'il passe le temps de nous avertir. Quand je lis ma Bible du début à la fin, Dieu n'a jamais frappé quelqu'un sans le prévenir. Dieu a toujours averti. Il a toujours sonné la trompette. Il a toujours envoyé des sentinelles pour te dire que change ta vie. Tu ne peux pas être à l'église. Tu es un enfant de Dieu. Et tu vis une vie de désordre. Dans tous les sens. Avec ta bouche. C'est toi qui murmures. C'est toi qui critiques. C'est toi qui insultes. C'est toi qui manges les cacas. C'est toi qui bois les urines. C'est toi qui pars chez les féticheurs. C'est toi qui fais des choses horribles. Tu charmes parce que tu veux l'amour. Mon ami, le vrai amour, c'est Jésus qui donne le vrai amour. C'est Jésus qui peut mettre l'amour dans le cœur de quelqu'un pour t'aimer. On ne force pas ces choses. Et c'est même éphémère. Tu vas aller pratiquer pour qu'un homme reste avec toi. Après, le type va mourir. Tu fais comment? Tout ce que tu as fait, c'est pourquoi? Jésus, c'est le meilleur. Nous sommes actuellement en train de prier pour les foyers, la restauration des foyers. Parce que dans un foyer, tu peux aller en enfer. À cause du mari ou d'une femme, tu peux aller en enfer. Nous sommes en train de prier pour nos enfants. C'est les deux derniers programmes de l'école d'essai de cette année. Tu n'es pas en retard, viens, on va prier. On ne prie pas que pour les choses de la terre. Nous prions pour que le Seigneur nous libère. Nous faisons la repentance, nous sommes fatigués. Parce que nous allons aller au ciel. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Jésus est à la porte. Qu'on ne te trompe pas. Les gens qui te découragent là, et ils vont dans faire des pratiques. Ils sont dans les cercles mystiques. Ils vont chez les féticheurs. Ils vont dans les traditions, dans les coutumes. Mais quand toi tu parles de Dieu, ils te découragent. Ne les écoute pas. N'aie pas honte. Oui, ça c'est l'église de mes parents. Moi, ça, c'est cela. Monter, descendu. Non. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le chemin. C'est le chemin. Arrêtez de manger les excréments. Jésus peut te donner ça. Arrêtez d'aller chez les pratiques, les féticheurs, attacher les hommes, attacher les femmes. Il faut qu'ils restent avec moi. C'est Dieu qui fait qu'un homme reste avec toi. C'est Dieu qui fait qu'une femme. J'ai une de mes filles qui me dit, maman, quand tu nous as prêché la sanctification, j'ai tout enlevé sur moi, je me suis dépouillée. Je pensais que mon mari allait alors partir. Maman, mon mari m'aime plus que tout maintenant. Vous pensez que c'est ça qui fait que les maris restent à la maison? Parce qu'ils mangent des choses que vous mettez, les pertes blanches à la nourriture, les viandes que vous mettez dans le sexe là, que vous mettez dans le... C'est pour ça qu'ils restent. Voilà le gars, si c'est même un païen. La fille, elle faisait ça pour le garder. Il a découvert maintenant. Que donc tu fais des pratiques comme ça pour que je reste avec toi? Vous pensez qu'il va rester avec elle encore? Si Léa fait la vidéo pour montrer sur Facebook, à Mondo Vision, tout le monde sait que la fille, là, ceux qui les connaissent, savent que c'est une sorcière. Le diable, c'est un menteur. Je vais prier pour quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là. Et ce que j'ai dit là t'a touché. Tu t'es reconnu. Tu es allé chez les féticheurs à la recherche de la vie. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Aller chez les féticheurs. Ces jours-ci, je suis encore en train de pleurer devant le Seigneur. Quand je lis la Bible et que je lis que Dieu est l'idolâtrie, je dis, Seigneur Jésus, si je t'avais connu, je ne serais pas allé me laver au bord des eaux, des rivières. Je n'allais jamais mettre mon nom, mes pieds chez un féticheur. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je t'ai heurté. Je t'ai irrité. Je regrette amèrement, mon Dieu. Je regrette ce que j'ai fait. Moi-même, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je regrette. Si je savais, quand je vois mes enfants, je les admire. Je dis, vous là, les frères de féticheurs, vous allez seulement entendre ça comme on parle là. Qui va vous amener là-bas? Vous n'allez jamais connaître ça. Même si tu as fait quoi? Tu as pratiqué. J'ai une de mes filles, écoutez-moi très bien, je pense que c'est déjà devenu monnaie courante. J'en parle en passant. Les femmes qui font endosser aux hommes les grossesses qui ne sont pas leurs grossesses. Hein? J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit et que le Seigneur est en train de tout. J'ai une de mes filles qui a un problème. Elle me dit, maman, elle a un serpent qui la fatiguait. Je lui ai dit, c'est quoi ton problème? C'est l'autre jour qu'elle m'appelle. Elle me dit, maman, j'avais fait engrosser à un homme marié. Marié ou pas, hein? Que ce soit marié ou pas, un homme, tu dis que c'est, tu sais que ce n'est pas lui le père, et tu lui fais porter la grossesse. Et le monsieur, il sait que c'est lui le père de l'enfant, alors que ce n'est pas lui le père. Le monsieur a mis le serpent en elle. Le serpent la traumatise. Jusqu'à son foyer actuel. Quand elle couche avec l'homme là, toute sa richesse finit. Si l'homme travaille, on chasse du travail. Si ceci, les problèmes de ça. Aujourd'hui, tu as les problèmes. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu es parti coucher avec une fille comme ça qui est partie escroquer quelqu'un. Et le monsieur a mis le truc en elle. Et toi, tu pars coucher avec. Et aujourd'hui, tu souffres. Faites attention. Répentez-vous. Elle me dit, maman, je vais demander pardon au monsieur. Elle dit que va demander pardon. C'est l'heure de demander pardon. C'est le moment de pardonner, de demander pardon. Voilà les seules prières qui nous amènent au ciel. Demandons pardon à ceux qui nous avons nous offensés. Et il y a des choses qu'on oublie, mais le Saint-Esprit nous ramène ça. C'est le moment d'arranger nos vies. C'est le moment d'arranger sa vie avec Dieu. Ce n'est plus le moment de faire le désordre. Comment je vais vous parler ça? Je parle à mes enfants spirituels. Si tu sais que tu es mon enfant spirituel, tu ne vas pas aller en enfer pour rien. C'est le moment, je te dis, que c'est le moment d'arranger ta vie. Regardez-moi votre maman. Votre jeune maman, quand vous aimez entendre que... Mais je vous dis, écoutez ce que je vous dis. Laissez le mal. Laissez ça. Dans tout le mal, là, nous tous, on a fait ça. Insulter les gens, critiquer les gens. Aller faire... Non, maintenant, c'est le moment où on s'arrange. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes à la fin du film de cette terre. Bientôt la fin du film. Bientôt la fin du film. Arrange ta vie. Même si tu as fait quoi, Jésus-Christ peut te pardonner. Et le problème, c'est que le tout, ce n'est pas de confesser. Le tout, c'est de confesser et de chercher la délivrance. Parce que Dieu peut te pardonner, mais la peine de ton péché reste sur ta vie. La peine de ton iniquité, et tu continues à souffrir. Il y en a qui m'ont dit, j'ai déjà confessé ça. Pourquoi j'ai toujours des problèmes? Mais est-ce que tu as cherché la délivrance? La peine de l'iniquité est restée. La charge du péché est restée. Donc quand tu te répands, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Et il faut que la malédiction qui est venue sur ta vie, par ce péché, te quitte. Répands-toi. Les gens qui boivent les pipis là, ça soigne. Ça ne soigne rien du tout. Ça ne soigne rien. C'est du satanisme. C'est de la sorcellerie. Tu as lavé ta face avec ça. Tu as mis la poisse sur ton visage. Tu as bu ça. Comment Dieu va t'écouter? Quand tu ouvres la bouche pour prier, ça pue. Tu dis que ça, c'est quoi ça? Vous n'avez jamais lu la Bible? Là où Dieu dit que, enfants d'Israël, ne faites pas les excréments partout, n'urinez pas partout, parce que je vais passer la nuit. Je passe la nuit et je fais le tour de votre camp. Sinon, s'il y a des excréments, s'il y a la saleté, je ne viens pas. Dieu est saint. Lisez la Bible. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu demandait de faire son sanctuaire, tout était en or. En or. L'or n'est pas pour porter sur le corps. Hein. L'or, c'est pour des instruments. Ce n'est pas que tu vas mettre l'or sur toi. Non, l'homme n'a pas le droit de mettre l'or sur lui. Dieu est propre. Dieu est saint. Dieu est pur. Maintenant, dans la pureté, si tu vas prendre les pupilles, tu bois dans ta bouche. Hein? D'autres ont mis les pupilles dans les yeux. On a mis dans les oreilles, ça soigne l'otite. Les pupilles, c'est un antibiotique. Avec les microbes, on met dans les oreilles. Répands-toi, tu as fait ça. Tu te demandes pardon. Hein? Répands-toi. Et tu as tout ça sur toi comme ça. Je lis dans la Bible, Dieu dit sanctifiez-vous, lavez vos vêtements. Donc, à l'Ancien Testament même, pour que Dieu, quand Dieu voulait descendre, il fallait se laver. Mais toi, ta bouche, tu as bu les urines. Tu as versé ça sur toi. Après, tu pars. Oui, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Il te regarde. Il te voit. Tu dégages comme ça. Tu as pris le sang de tes menstrues. On a dit que ça soigne les boutons. Tu mets sur la face. Répandons-nous. Vivant. Répands-toi. Il y a plein de choses à demander pardon à Dieu. Donc nous n'avons plus de temps. Il y a des choses comme ça que tu as fait dans ton enfance. Tu as oublié. Tu as escroqué les gars. Tu as menti. Tu as volé. Tu as fait ceci. Les jeux de papa et maman. À la veille, si nous avons prié pour nous repentir. Tout ce qu'on a écouté. Les romans qu'on lisait. Les romans. Les séries télévisées que vous êtes en train de voir là. Les enfants voient. Et on est en train de mettre les choses dans les têtes des gens. Des enfants. Et ça ouvre les portes. Au mari de nuit qui a dans la vie maintenant, tout le monde, c'est la mode, mari de nuit, mari de nuit, mari de nuit, mari de nuit. C'est venu comment? Le péché. Et tu as ça, tu vas parler au ciel. Si tu veux recevoir le Seigneur, après cette émission, écris-moi sur mon numéro WhatsApp là. Comme cette femme-là, elle me dit, je te suis depuis. Je veux recevoir Jésus. Je sais que Jésus là, si je l'ai, j'ai tout. Si tu reçois Jésus là, tu as tout. Répentons-nous pendant qu'il est temps. Et convertissons-nous. Le tout, ce n'est pas de se repentir et de partir encore dans la boue. Il n'y a plus le temps. Celui qui a péché, le livre d'Hébreux dit, et qui retourne à ses vomissures, sa condition est pire. Là où tu es, dit Seigneur, pardonne-moi. Commence à prier, dit Seigneur, je me répands. Je me répands, Seigneur. Je reconnais, j'ai fait des choses abominables. Mais pardonne-moi, Seigneur. C'est le temps de se repentir. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Délivre-moi. Pardonne-moi. Délivre-moi. Pardonne-moi. Délivre-moi. Dans les groupes Facebook, les choses que vous partez là-bas, il y a les groupes bizarres. On vous enseigne les choses inutiles. Oui, pour avoir la chance aujourd'hui, allez vous laver avec l'oignon. Dieu a créé l'oignon pour préparer. L'oignon, c'est un antibiotique. Mais que l'oignon va t'attirer la chance, ça sort d'où? Ça sort d'où? Comme vous aimez les bêtises comme ça, faites attention. Be careful. Si tu veux recevoir Jésus, écris-moi. Si tu veux les vidéos que je te dis là, écris-moi sur WhatsApp. Je vais t'envoyer ça. L'heure est grave. Nous sommes, comme je parlais du programme, si prière pour les enfants, prière personnelle, prière pour les foyers, prière pour la délivrance. Inscrivez-vous à ces programmes. Ce sont les derniers de l'année. L'heure est grave. Je vais prier pour quelqu'un qui est là. Partage encore cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un. Je prie pour toi là où tu es. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que le Saint-Esprit touche ton cœur. J'ai lu dans la Bible que quand quelqu'un a le cœur endurci, c'est que Dieu ne veut pas te sauver. Mais quand Dieu touche ton cœur, c'est que tu es destiné à la vie éternelle. Je prie pour toi que le Seigneur touche ton cœur. Dieu a endurci le cœur de Pharaon parce qu'il voulait le détruire. Il dit à Moïse, c'est moi qui ai endurci Pharaon. Je vais le détruire. Je vais l'humilier. C'est lui Dieu. Donc quand ton cœur est dur, commence à dire Seigneur, pardon, mon cœur est dur. Pourquoi, papa Jésus? Pardon, touche mon cœur. Donc je prie que Dieu transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. et que tu ne t'amuses pas, que tu arranges ta vie avec Dieu. Dis, Seigneur, je prie que le Seigneur t'amène à la rive. Il y a des gens qui, le mot pardon, pour que ça sorte de ta bouche, il y a des gens qui ne regrettent pas le mal qu'ils font aux autres. Tu es loin, mon frère. Tu es perdu. Tu es loin. Tu ne peux pas demander à quelqu'un pardon. Si tu ne peux pas demander à quelqu'un que tu vois pardon, c'est à Dieu que tu vas demander pardon. Ma prière pour toi, c'est que Dieu touche ton cœur et que tu acceptes le Seigneur. Et si tu es enfant de Dieu déjà, tu as déjà reçu le Seigneur, que Dieu touche ton cœur et que tu ne sois plus confortable dans le péché. Que Dieu ne t'entraîne pas dans des bêtises. Vous aimez entendre que le feu sur les sorciers, le feu à gauche. Toi-même, tu peux être sorcier. La désobéissance et la sorcellerie. Que Dieu te touche et que tu ne rates pas le ciel. Ça, c'est ma prière. Et que tu arranges ta vie avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur, Seigneur, étende ta main sur chaque personne qui me suit, en direct ou en différé. Seigneur, je sais que le temps est court. Je prie pour ces âmes qui sont connectées là. Je prie, Seigneur Jésus, aie pitié de nos âmes. Pardonne les péchés. Ramène chacun sur ce droit chemin. Ramène chacun de sa mauvaise voie. Donne la force à toutes les personnes qui me suivent d'abandonner le péché. Il y en a qui ont la volonté, mais qui n'ont pas la force. C'est pour toi que je prie maintenant. Que le Seigneur t'accorde la force, la grâce de quitter ce péché vivant, de laisser cette mauvaise vie-là et de revenir à lui. Que tu ne meurs pas dans ce péché. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis Maman Lédé, je suis Maman Tsala. Donc, réécoutez la vidéo. Demain, nous avons prié matinale le matin dans le groupe Facebook, l'école d'Esther. Allez demander l'amitié là-bas, c'est là-bas que la prière se passe. Je fais les prières dans le groupe de l'école d'Esther. Et le soir, par la grâce de Dieu, je vous parlerai encore de ce livre, la quatrième émission. Il n'est pas vendu sur Amazon, ou bien ceux qui vendent sur Amazon, c'est des pirates, c'est des bandits, c'est des voleurs. Parce que l'éditeur, il avait fait et il a commencé à vendre sans l'autorisation. C'est pas bien. Donc, si vous avez besoin, vous me contactez. Et il ne coûte pas cher, pas du tout. C'est juste pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ne joue pas avec... Je fais la conclusion de mon message. Arrange ta vie avec Dieu. Arrange ta vie. Que tu serves Dieu ou pas, c'est toi qui gagnes. Dieu n'a rien à foutre. Dieu, ça ne lui dit rien. Arrange ta vie. Laisse les choses de la terre. Sanctifie-toi à l'intérieur comme à l'extérieur. Dépouille-toi. Tu vas aller en enfer à cause de quelque chose inutile. Tu vas jeter ça quand l'enlèvement aura lieu. Ce que tu ne veux pas laisser là. Quand tu vas entendre que l'église est partie, c'est là où tu vas te sanctifier. Mais il sera tard. Maintenant, là, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Prenez soin de vous, mangez bien, nourrissez-vous, priez pour vos enfants. Le Seigneur va vous garder. Amen, amen, amen.